Amis du monde, de la banquise et d'ailleurs, bonjour, c'est Cargo Cult. Et bienvenue donc dans ce Cargo Cult, à nul autre pareil. Bon, alors ils sont un peu tous à nul autre pareil, les Cargo Cult. C'est même un peu le principe de l'émission. Mais celui-ci l'est particulièrement. Et bienvenue au groupe dont rien que le patronyme fait rêver, le Penguin Café Orchestra. Le Penguin Café Orchestra, on peut le dire dans tous les sens. C'est un vrai mythe. Et je suis extrêmement heureux qu'on écoute ça aujourd'hui. C'est un mythe complètement abscon, mais complètement indémodable aussi. Une forme de musique post-moderne, post-folklorique, mais alors un peu vieille aussi, et puis en même temps complètement nouveau, et surtout venu de nulle part. C'est un orchestre, le nom le dit bien, avec des vrais musiciens d'orchestre, hein, ils sont tous de formation classique, donc autant dire académique. Mais ils vont offrir, à partir de 1976, et donc spécialement ce tout premier disque qu'on va ausculter aujourd'hui, le Music from the Penguin Café, hein, autant faire simple, finalement. Le deuxième album, lui, sera encore plus simple, il s'appellera Penguin Café Orchestra, pareil. Donc, tout ça sera simplissime. Et ça, l'ensemble va offrir, donc j'insiste là-dessus, à la pop musique, qu'elle soit avant-garde ou commerciale, un bain de jouvence absolument salitaire. Et alors, qui plus est, une année au milieu des années 70 où on n'attendait pas un truc comme ça, hein, parce que le punk est un peu aux portes, et puis vous allez voir que la musique du Penguin Café Orchestra, elle n'est pas très proche du punk. Et le pire, mais on en parlera plutôt après, c'est qu'en fait, elle n'en est pas loin. Mais alors justement, cessons maintenant d'être sibyllins, et puis rentrons dans le cœur du sujet, avec ce Penguin Café Orchestra, qui s'est d'abord nommé le Penguin Café Quartet, hein. On devine aisément pourquoi. Puis après, bah, l'orchestre s'est émancipé avec plusieurs musiciens qui ont tous été tournés, qui ont tous été renouvelés, mais autour d'une figure majeure, une figure centrale, qui est celle du compositeur et producteur, multi-instrumentiste par ailleurs, Simon Jeffes. Un vrai Anglais, Simon Jeffes. Alors un vrai Anglais, mais qui va avoir une vie totalement cosmopolite, chargé de plein de rencontres et d'influences. Sa musique l'exprimera bien. Quelqu'un qui va mourir terriblement jeune, avant 50 ans. Une vraie injustice là-dessus. Le groupe va lui survivre, finalement, notamment grâce à son fils, mais aussi les musiciens qui se sont mis un petit peu à l'attaque. Alors allons-y et tentons une définition quasi impossible de ce fameux Penguin Café Orchestra. Alors c'est de l'avant-pop, nous dit Wikipédia. Mais alors, par ailleurs, on entend lire Easy Listening. Et moi, quand j'ai chargé le disque dans mon ordinateur, avec iTunes, qui me dit toujours avec une autorité comme ça, incontestable, que qui est quoi et qui fait quoi et que c'est comme ça, et que iTunes m'a dit que donc c'était New Age. Voilà. Alors, je fais quoi avec ça? Donc oui, le groupe est absolument difficile à catégoriser, tant il combine des éléments, donc des musiques folkloriques, easy et uneasy, une vraie esthétique minimaliste, oui, parce qu'on est dans ces années-là, et le tout dans un ensemble complètement exubérant, mais aussi familier, avant-garde, ouais, mais aussi très très variété. Et en fait, Simon Jeffes, c'est un renégat de l'avant-garde. Il pourrait être pris pour un vendu, alors que non. La musique de PCO, on dit PCO entre intimes, hein, Penguin Café Orchestra, bah, c'est peut-être la plus facile des musiques difficiles. Regardons tout simplement où sort le disque. En 1976, Penguin Café Orchestra est signé sur Obscure Record. Obscure, le bien nommé label fondé par Brian Eno, rien que ça. Quand Penguin Café Orchestra sort en 1976, le label de Brian Eno a une jeune existante, mais elle est quand même déjà riche de signatures essentielles et qui sont justement les figures d'un post-minimalisme à l'anglaise qui fera date avec des compositions plus ou moins faciles, donc parfois vers le difficile. Et là, je pense à des gens comme Michael Nyman, qui commencera là, Kevin Boyars, lui aussi, ou encore Harold Budd. Et bien sûr, ces gens continueront aussi leur chemin. Donc, Simon Jeffes et son concept PCO sont là entre amis. Mais effectivement, c'est un renégat, mais un renégat sympa. Je le cite et on va comprendre. Il nous dit « Je veux faire de la musique pour des gens capables d'apprécier Wilson Pickett, Beethoven, les Rolling Stones, la musique chorale d'Afrique de l'Ouest, Jean-Sébastien Bach, Stravinsky, mais aussi la cornemuse irlandaise et même un peu de Abba à l'occasion. Tout est dit. Sachant qu'en 1976, Abba, c'est un carton ultra planétaire. Et alors, de façon pour le peu presque plus moderne et quasi académique, Simon Jeffes décrit par ailleurs la musique du Penguin Café Orchestra comme de la musique de chambre semi-acoustique moderne. Alors, expliquons ça peut-être par une vie des origines et une vie d'expat quand même assez mouvementée. Il est né en Angleterre et il va mourir en Angleterre, certes. Mais alors, dans ce parcours, et spécialement dans sa jeunesse, Simon Jeffes va être élevé au Canada, mais aussi vivre dans plusieurs villes d'Europe. Entre-temps, il va commencer à apprendre la guitare. Ce sera le premier instrument dont il jouera, et très très bien. Et ça, dès l'âge de 13 ans, il va s'embarquer après dans moult instruments, dont certains totalement ésotériques et jamais entendus par ailleurs. Alors qu'il réside au Japon, et là, c'est en 1972, qui va développer un intérêt très très fort pour la musique ethnique, et finalement du Japon peut-être plus encore pour la musique africaine. Et il va tenter, et réussir finalement, à fusionner ses styles avec des sons occidentaux plus traditionnels. En cela, disons-le, il rejoint une préoccupation qui a déjà bien excité les minimalistes. Pensons à Steve Reich hein, et son fameux drumming. Ça a orienté clairement vers les sons africains. Bon, mais Philip Glass et Terry Riley l'ont fait aussi, eux, en étant peut-être plus en fusion avec l'Inde. Donc, cette préoccupation, elle est dans l'air du temps. Et Simon Jeffes est totalement dans l'air du temps. Mais le concept du Penguin Café Orchestra va pas avoir peur d'abattre les frontières entre, effectivement, la musique savante et la musique pop, quoi. Revendiquer la ritournelle. Le concept du Penguin Café Orchestra va lui venir en rêve à Simon Jeffes. Un rêve alors qu'il souffre d'une intoxication alimentaire quand il réside à ce moment-là, c'est l'été 1972, dans le sud de la France. Oui. Après quoi, il a écrit un poème qui commence ainsi. « Je suis le propriétaire du Penguin Café et je vais vous dire des choses aléatoires. » Voilà, c'est pas le début d'une œuvre, ça. Œuvre qui continue, d'ailleurs. Hein. Donc, formidable. Penguin Café Orchestra est donc une invention poétique, hein, née d'une fièvre qui semblait assez terrible. Oh, intoxication alimentaire dans le sud de la France. Pas de bol, hein. Normalement, les tomates, elles sont pas mauvaises, là-bas. Mais bon, c'était peut-être pas la bonne année. Et après coup, c'est pas du tout étonnant que Brian Eno soit complètement intéressé au projet. Hein. Ça parle de soi, finalement. À la signature de ce disque, et c'est le premier qu'on va entendre aujourd'hui, mais toute la discographie du Penguin Café Orchestra, l'essentiel tient sur 5 albums du vivant de Simon Jeffes. Mais il y aura des, enfin il y a des albums officiels et puis il y a des choses, il y a des lives, il y a pas mal de trucs qui font qu'il y a, ça s'étend comme ça pas mal le concept Penguin Café Orchestra. Finalement tant mieux. Mais au lendemain de cet album, qui va mais cueillir à froid et mettre en béatitude absolue tout un parterre de rock critiques qui d'habitude ne sont pas tout à fait bercés dans les minuets et la musique des chambres. Hein, vous en doutez un petit peu. Et le premier concert très important que va faire le Penguin Café Orchestra, ce sera à Londres en 1976, ce sera un triomphe. C'est un concert qui est donné en première partie d'un autre groupe, en première partie de Kraftwerk. Kraftwerk et le Penguin Café Orchestra. Mélange impossible, forcément réussi. Mais forcément, évidemment. Les deux groupes s'admirent l'un et l'autre. Et le Penguin Café Orchestra, bah, il va écumer les salles, il va être des concerts à qui mieux mieux, qui vont vraiment asseoir la solidité du groupe, qui finalement, alors, pour son deuxième album, on va mettre quelques années, hein, de 76 à 1980, il va se passer pas mal de choses, mais pas de nouvel album. Et en 1981, le deuxième album, encore plus sobrement intitulé Penguin Café Orchestra, va sortir, va lui faire des morceaux peut-être encore plus tubesques. Quitte d'ailleurs à abandonner un tout petit peu la musique expérimentale qui marquait les débuts du groupe. Et ça, vous allez l'entendre dans le premier album. C'est celui-là, notre disque du jour, j'insiste. Vous dire si c'est le meilleur, j'en suis pas sûr du tout. Il faut penser la carrière de Penguin Café Orchestra comme vraiment un travail au long cours et sans ratage, en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, il y a une propension à devenir peut-être un tout petit peu plus dans le rang au fur et à mesure que la maturité se fait, et légèrement plus aventureux dans les débuts, ça étonnera personne. Alors, du coup, peut-être une petite préférence moi personnelle sur ces débuts légèrement aventureux et je dirais les deux premiers disques. Alors, l'expérimentation dont je parle, il ne faut pas la penser comme une musique expérimentale. Elle est en filigrane et en arrière-plan, notamment d'un instrumentarium et d'une variété d'instruments absolument confondantes dont joue Jeffes lui-même, mais aussi les membres du groupe. Donc j'insiste, hein, bien sûr, c'est un groupe entre guillemets classique. Donc voilà, il y a du violon, il y a du cello, il y a de la guitare acoustique, électrique aussi, ça c'est Simon Jeffes qui s'y colle, il est très bon guitariste. Du piano, enfin tout ce qu'on est en droit d'attendre de ça. Mais il y a aussi, et là je suis pas sûr d'avoir tout noté d'ailleurs, du ukulélé, du piano électrique, de la basse, du dulcitone. Le dulcitone, c'est un piano à diapason. Une forme de clavecin, mais qui va actionner des diapasons. Divers ring modulateurs, hein, des modulateurs en anneaux et des bidouilles de synthèse assez étonnants, mais pas du tout mis en avant, mais néanmoins, prêtez l'oreille, ils sont vachement là. Une boîte à rythme, une vraie boîte à rythme, Lindrum. C'est la boîte à rythme qui fait un foie quand même dans la fin des années 70. Des bouteilles de lait. Oui, alors faut insister sur le fait que ce soit des bouteilles de lait. Si c'était des bouteilles d'autre chose, ça ne sonnerait pas pareil. Des élastiques, un triangle, une épinette, c'est un petit clavecin dans son origine, et même une épinette des Vosges. Alors c'est précis. Et l'épinette des Vosges, elle n'est pas un clavecin, c'est un instrument qui, c'est une cithare, si vous voulez. Alors divers tambours, petites percussions, des bandes. Il y a un jeu sur la bande magnétique, évidemment. Et ça, c'est dans l'air. On s'en doute. Un pianica, mélodica, c'est comme un harmonica à bouche, mais qui se joue avec un clavier au bout. J'oublie quoi. Une harpe éolienne électrique, dis donc. Je ne savais pas ce que c'était. De la mandoline. Voilà. J'en ai oublié, certainement. Alors, allons-y maintenant, tout de go. On va rentrer dans cet album. Music from the Penguin Café Orchestra. C'est le morceau d'ouverture est un single parfait, d'où le nom. Dans les concepts, on n'allait pas faire compliqué, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que la musique et les titres disent exactement ce qu'ils sont. Donc le titre d'ouverture de cet album Penguin Café Orchestra, Music from Penguin Café Orchestra, s'appelle Penguin Café Single. On l'aura compris, c'est le 45 tours. Alors, 45 tours, vachement long. De fait, on l'entend dans sa version de album, elle fait 6 minutes 20. Et voilà, vous allez vous amuser, on va voyager entre des morceaux comme ça, avec des longueurs très variables. Il y a des morceaux courts, c'est quasi des jingles. Il y en a qui font 2 minutes, voire un qui fait 1 minute 40. Mais aussi des œuvres un petit peu plus longues, étendues, et puis qui combinent comme ça un aspect développé qui est propre comme ça aux musiques post-classique, si vous voulez, du 20e siècle. Alors, c'est le cas de la deuxième face, notamment, qui compte, elle, que 3 titres, mais au long cours, quand la première face, elle concentre un petit peu plus sur des gimmicks et des mélodies. Donc, en cela, ça fait un vrai disque double, hein, le concept de face A et de face B, forcément, est beaucoup plus influent et prégnant dans des années où, où la face A et la face B existent. Au bout d'un moment, ça disparaîtra. Et puis ça revient. Hein. Ainsi le veut les lois du vinyle. Je viendrai probablement en deuxième partie d'émission sur des choses un petit peu plus actuelles. Et on aura du temps, on le prendra, on sera un gros bout aussi du deuxième album des Pequeen Café Orchestra, qui est un complément idéal du premier. Donc voilà, on est dans les starting blocks, là, de ce disque de 45 minutes. Vraiment à nul autre pareil. Dites-vous bien qu'on est en 1976 et que quelques mois après, les punks, ils vont danser sur ce truc-là. Un pogo, je ne suis pas sûr, mais ils vont danser. Bienvenue dans la danse. C'est Cargo Cult, Penguin Café Orchestra. Thank you.

Thank you.

Thank you. Petite douceur du samedi, merveille que ce cargo culte. Avec Penguin Café Orchestra et leur premier album. Entre Simon Garfunkel et Debussy. C'est chouette, c'est pas moi qui le dis. C'était un commentaire qui était fait à la FNAC à l'époque. Et les disquaires adoraient quand même mettre comme ça des petites impressions. Puis bah, j'y allais un petit peu du second degré. Parce que là, évidemment, entre Simon Garfunkel et Debussy, c'en est. Et c'est on ne peut plus vrai. Donc c'est, ça marche, je suis complètement d'accord avec ça. Merci à Cheville de m'avoir apporté l'anecdote. Comme quoi, voilà, on trouvait de la culture à l'époque dans ces grands magasins-là. C'est pas faux non plus, c'est pas faux non plus que de me faire remarquer qu'au niveau de la mixité, le Penguin Café Orchestra, moyen. Hein. Quand on regarde les photos, l'orchestre, 8 personnes, une femme seulement. Ah bah oui, alors évidemment, la question de la parité se posait sûrement pas du tout à l'époque, puis si elle se posait pas de la même manière. Alors, on va quand même rendre grâce à quelques femmes qui ont participé au truc, parce que d'abord, il y a eu, comme je le disais, le Penguin Café Orchestra, il y a eu plusieurs moutures. Et il y a plusieurs femmes qui sont passées dedans. Mais il y en a une qui est quand même très importante, et pour le peu, on peut râler Harbour, parce que c'est Ellen Liebman, et elle est la cofondatrice, hein, aux côtés de Simon Jeffes du Penguin Café Orchestra. Cofondatrice, elle co-signe aussi certains morceaux. C'est notamment le cas des trois derniers morceaux qu'on a entendus là. Donc, c'est la deuxième phase du disque, où les titres sont entièrement co-signés par le groupe, les membres importants du groupe, Simon Jeffes, Steve Nine, Ellen Liebman, donc c'est elle dont je parle, qui est quand même, donc elle est, c'est une celliste, c'est une, le cello, je ne sais toujours comment on dit en français, le violoncelle, voilà. Et à cela s'ajoutait le quatrième membre, Gavin Wright. Et ça, c'est le quartet d'origine. Mais au quartet, on va passer à l'orchestre, et là, avec moult variations, finalement. Au total, le Penguin Café Orchestra n'a sorti que 5 véritables albums studio. Alors, dans son incarnation du vivant, hein, de Jeffes. Un EP, et puis mais quelques groupes live aussi. J'insistais en début d'émission sur le fait que le groupe tournait beaucoup. Et c'est quelque chose qui va continuer et perdurer après, justement. Et il y a, alors c'est le disque posthume qui est assez très intéressant aussi du Penguin Café Orchestra, première génération, hein, si j'oserais dire. C'est une musique de ballet qui s'appelle Still Life at the Penguin Café. Et c'est Simon Jeffes qui a entièrement composé le truc. Donc oui, la carrière du Penguin Café Orchestra peut se lire comme ça, comme une très grande ligne droite. Où tout ce que vous avez entendu là dans un premier jet va finalement se retrouver conjugué, amélioré, peut-être d'ailleurs davantage standardisé pour des oreilles pop et variétés, mais sans faillir finalement à l'objectif de départ. Et ça, c'est quand même un truc super remarquable. C'est quelque chose qu'on remarque d'ailleurs dans toute l'iconographie même du groupe. Il n'y a pas de photos des membres, on les trouvera par ailleurs dans des dossiers de presse et dans la presse qui va s'intéresser au groupe, croyez-moi, parce que ça viendra assez vite. Mais les pochettes, elles, reprennent toujours ce principe hyper iconique du pingouin, mi-animal, mi-humain, qu'on retrouve sur toutes les pochettes de disques, dans différentes postures. Et en général, les postures très polies, assez romantiques, bien élevé, avec des corps qui dansent, une espèce de sensualité mais très douce dans toutes les pochettes. Ça régale à regarder. Et alors Simon Jeffes est quelqu'un qui va mourir jeune, avant l'âge de 50 ans. En décembre 1997, ça va entraîner de fait la dissolution du Penguin Café Orchestra, mais seulement momentanément. Moi, je me rappelle une anecdote, et c'est marrant parce qu'elle pourrait être hors sujet, et en fait, je crois qu'elle ne l'est pas du tout. Après la mort en décembre 1997 de Simon Jeffes, il se passe 2-3 mois à peu près, au début du printemps, où je rencontre José Padilla. Et il est effondré. C'est José Padilla chez lui, en plus, à Ibiza. Donc, le DJ iconique, effectivement, du Balearic Beat, si on veut, et le tenant du Café Del Mar, hein, dans lequel on faisait vraiment les grandes moutures ambient house balearic qui allaient marquer les années 90. Et donc, après ces mois, ces quelques mois, ces quelques semaines, qui suivent la mort de Simon Jeffes, voilà que ça m'émeut la gorge. Padilla est totalement renversé en disant que la mort de cet homme-là, qui était à peine commentée, alors en fait, ça l'avait été, il y avait des obituaries dans le Guardian, dans l'Independent, mais pas plus que ça, c'est très anglais. Il disait la disparition de ce type-là, c'est terrible, parce que c'est pas seulement la mort d'un groupe, c'est la mort d'un état d'esprit, c'est la mort d'un truc qui a construit Ibiza et qui reviendra pas. Alors, c'est très, très intéressant et finalement c'est une remarque très, très dure pour le peu, très, très cruelle, très, très blessée qu'avait José Padilla à ce moment-là. Et oui, à l'évidence, la musique du Penguin Café Orchestra, elle est avec toute sa charge romantique et ensoleillée, elle est en lien direct avec la mythologie baléarique d'Ibiza finalement. Et ça, pas seulement dans les mains de quelqu'un comme José Padilla, il s'en fera un des grands zélateurs, puisque le Penguin Café avait été compilé dès les tout débuts de la série Café Del Mar, Café Date dans ce genre-là. Ailleurs, mais finalement dans le même camp, hein, toujours chez les DJ, qui ont voué un vrai, vrai respect à Simon Jeffers et au Penguin Café Orchestra, c'est The Orb, qui a samplé un des grands tubes du groupe, qui paraît d'ailleurs après Music for a Found Harmonium, un harmonium trouvé qui avait donné lieu comme ça à une petite merveille aussi, peut-être un des morceaux les plus connus, un des meilleurs tubes du fameux PCO. Donc, oui, j'en suis convaincu, on trouve chez les DJ et des années 90 comme ceux d'aujourd'hui, certainement, en tout cas pour ceux qui sont éclairés, qui ont de la bouteille, peut-être un amour plus authentique que dans le rock, où Simon Jeffers a aussi œuvré. Y compris dans un exercice putassier, mais qui fait l'histoire quand même. Malcolm McLaren, le fameux Malcolm McLaren, producteur, mentor des Sex Pistols, est-ce que je dois le rappeler, avait débauché Simon Jeffers pour orchestrer les cordes de la reprise de My Way par Sid Vicious. Bon, voilà. Et finalement, je ne suis pas sûr que c'était pas un véritable amour pour le PCO et puis pour l'œuvre de Simon Jeffers en général. Le fait est qu'il y a une vraie postérité du Penguin Café Orchestra. Et alors, qui se fait par voie, c'est pas la première fois que ça se fait, mais ça s'est fait à répétition avec des grandes campagnes de pub, britanniques pour la plupart, qui ont repris des thèmes forts du Penguin Café Orchestra. Il y a notamment une pub TV Eurostar qui a été utilisée à maintes reprises et peut-être plus notoirement un thème qui a été pris pour de la téléphonie. Et ce thème qui s'appelle Telephone on Rubber Band, c'est le morceau probablement le plus connu de PCO et justement grâce à cette pub. Parce que le truc, c'est que le morceau est absolument singulier. Il repose en fait sur la boucle d'un signal téléphonique occupé et qui tourne comme ça en répétition, alors que dessus se greffe une petite ritournelle absolument exquise. Mais croyez-moi, le morceau est quand même foncièrement expérimental, très domestiqué au niveau des oreilles et il sonne extrêmement bien, mais c'est quand même un truc bizarre qui, pendant 3 minutes durant, met en boucle un signal de téléphone. C'était pas si fréquent que ça, vous pouvez l'imaginer, quoi. Donc, Penguin Café Orchestra, de manière consciente ou pas, est dans les mémoires collectives. En Angleterre, beaucoup, mais croyez-moi, pas mal en Europe et finalement bien au-delà. Ce qui fait que le groupe, il a bien qu'auto-dissous formellement à la mort de Jeffers, mort prématurée, je le répète, finalement va redémarrer. Et ne serait-ce que parce qu'effectivement, il y a constitution d'un répertoire. Et tous ces gens-là qui viennent donc de l'univers académique classique et qui savent très bien jouer et bien jouer des partitions vont pas abandonner la partie. Et non seulement ils vont pas abandonner la partie, mais ils vont donner un coup de neuf finalement et un rebirth au groupe, et notamment stimulé par le propre fils de Simon Jeffers, Arthur Jeffers, qui a pris la relève là très récemment depuis 2010. Et appelle le groupe, l'orchestre, tout simplement le Penguin Café. Voilà. Mais l'orchestre est toujours là. Alors, bon an, mal an, j'ai envie de dire, il y a un disque qui sort là, qui est en ce moment. Alors, je me promets d'y jeter une oreille. C'est en fait le remake d'un disque qui était sorti précédemment, 10 ans avant. Voilà. Alors évidemment, on peut discuter sur est-ce que le fils est aussi génial que le père. Bon, le génie, c'est pas un truc héréditaire, mais enfin, la filiation fait que les partitions aidant et avec de bons musiciens, évidemment, le truc vit toujours. Maintenant, de vous à moi, le Penguin Café, bah, évidemment, c'est un truc qui, quand même, qui a fonctionné dans les années 80 et au-delà, mais seulement du vivant de Simon Jeffes. J'aurais aimé continuer comme ça sur l'intégrale du groupe, en tout cas les 5 premiers albums. Ils sont sans faille, je vous le jure. Mais du coup, je vais prendre la tangente, et puisqu'il nous reste un petit peu de temps, avec la suite logique du premier album qu'on vient d'écouter. La suite logique, ça veut dire album numéro 2. Et ça vaut le coup d'en parler une seconde, parce que c'est lui, à mon avis, le plus connu. Alors, en tout cas, c'est lui qui va lâcher vraiment des tubes. Notamment ce fameux téléphone en rubber band dont je parlais, avec cette boucle autour d'un signal de ligne téléphonique qui tourne sans cesse. Le plus connu est celui qui faisait danser à Ibiza, mais comme ailleurs, et dans des états extatiques dans tous les genres, si vous voulez, s'appelle Air à danser. Ça dit bien ce que ça dit. Le titre est évidemment en français. Et ma foi, c'est à ça que je vous invite pour la sortie de ce disque. J'insiste, à nul autre, pareil, Penguin Café Orchestra, c'était notre cargo culte du jour. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Tam, tam, tadam. Pam, pam, padam. Tam, pam, padam. Thank you.